quelque poète répète ma fuite. Je reste sans geste, sans voix. Je ne poursuis ton rêve qu'un rêve, c'est toi. Dans tes mains, je suis un joujou, car toujours et quand même, je t'aime. Tout. À quoi bon chercher les causes? Respirons plutôt les roses, sans songer à m'appeler que d'autres les ont respirées. Je t'aime, je t'aime. Le chant que le poète répète me fuit. Je reste sans geste, sans voix. Je ne poursuis mon rêve qu'un rêve, c'est toi. Dans tes mains, je suis un joujou, car toujours et quand même, je t'aime, c'est tout. Au lieu de poursuivre un doux songe, pourquoi soupçonner toujours des mensonges? Crois-moi, le doute déroute l'amour. Goûtons à la joie pure qui nous.